Handicaps, the new flavor. Chez les combis, là je suis à la casse. Et demain sur sa troupie, je veux la tête du trompoir. Là c'est du croupier. Avenue Jean Jaurès, chargé de S. En train de taper l'adresse sur GPS. Bah, pas la boule au ventre, on est tenace. Des masques à la j'perde de Coronès. Drive by chez moi. Avec Marco Daka dans le quartier noir. Ouais, grandis dans la hague l'année pour mettre des asbar. Expert en la matière. Ténor, ténor. Bah, j'ai pas les couilles, bah tu verras. Pas les couilles, bah tu verras. Je vais apparaître dans ton jardin. Je vais apparaître dans ton jardin. Quand j'étais loin des caméras, ils avaient pas le droit de sortir. Que j'ai arraché en gilet. Audi, Audi, Audi, Audi. Toujours la meilleure dans le lab. Caché la selle rate dans le PS. Dans deux minutes y'a la police. Audi, Audi, Audi, Audi. Toujours la meilleure dans le lab. Caché la selle rate dans le PS. Dans deux minutes y'a la police. SK, SK, replaqué, replaqué. Trois lascar, trois lascar. Cagoulé, cagoulé. Dans deux minutes, on va débouler. Tu connais déjà la suite, bang, bang. Ça doit résumer. Pense à mes détenus. Je pense aux frères au cimetière. Tu veux que je te marie, mais t'as pas les critères. Je voulais mon ensemble et ma perte. Donc j'ai viscère des milliards de glycos. Ça en fait un ulcère. Ah, prends des risques tous les jours, pas les couilles. Bandito, tiens d'euros, pas les codes. Bandito ne respecte pas les codes. Un délai, c'est les codes pour la rue, c'est bâtiment. Audi, Audi, Audi, Audi. Toujours la meurtre dans le linge. Caché la selle rate dans le PS. Dans deux minutes, y'a la police. Audi, Audi, Audi, Audi. Toujours la meurtre dans le linge. Caché la selle rate dans le PS. Audi rentre dans ton magasin, c'est un braquage, oh les mains. J'comptais ma laisse en billets de sang, là j'étais dans mon élément. Audi rentre dans ton magasin, c'est un braquage, oh les mains. J'comptais ma laisse en billets de sang, là j'étais dans mon élément. 14 billes dans les rues de Bobigny. On faisait des dingueries à une amie. T'as roulé sur la bitch en bikini. Cherche lequel elle va m'y j'tenir aujourd'hui.